autre nana qui veulent des coups de banana. Elle a dit c'est bon comme les bonbons Tagada. Trop de meufs se prennent pour Beyoncé alors qu'elles sont éclatées. Y'a trop de concus obligés de les éclater. Bande de putain, je vais pas vous louper. Touloupa, j'suis un Mada Guadeloupe. Hein, nous les bois, on réfléchit pas comme c'était rien. Les sons qu'on a balancés sans clip, mon bois c'était rien. Obligé de coffrer les meilleurs pour la fin. Hier tu m'as dit, j'suis nul, tu ne vois rien. Aujourd'hui de ma part, tu veux un coup de main. T'as vu l'évolution, tu fais moi le malin. On m'ignorait maintenant, ça m'appelle dès le matin. Salut chata, je vais te dresser comme le chien de Tintin. Trop nana qui veulent des coups de banana. Elle a dit c'est bon comme les bonbons Tagada. Trop de meufs se prennent pour Beyoncé alors qu'elles sont éclatées. Y'a trop de conduits obligés de les éclater. Je m'attache pas comme ça, c'est sûr, j'ai pas un plan. Tu veux juste qu'on fasse nos bails, après tu peux mettre fin. J'te mets des claques sur les fesses avec mes demandes. Il y aura pas de câlin, que des coups de rein. T'as vu l'évolution, tu fais moi le malin. On m'ignorait maintenant, ça m'appelle dès le matin. Salut chata, je vais te dresser comme le chien de Tintin. Trop nana qui veulent des coups de banana. Elle a dit c'est bon comme les bonbons Tagada. Trop de meufs se prennent pour Beyoncé alors qu'elles sont éclatées. Y'a trop de concus obligés de les éclater.